Les nids. Le logis des fourmis n'a pas la splendeur ambrée et parfumée du palais des abeilles, non plus que les dimensions formidables et la solidité granitique des termites. Afin de comparer les architectures et de se rendre compte de ce qui se passe en ces étranges demeures, il faudrait les mettre à l'échelle de l'homme. Nous verrions alors que dans la ruche domine une géométrie hallucinante, fastueuse, décorative et innombrable, qui nous paraîtrait infiniment plus sélénique que terrestre. Dans la termitière s'affirmerait le monstrueux triomphe du ciment armé et du style vertical, dans une montagne de pierre haute de 600 mètres et perforée comme une éponge. Enfin, dans la fourmilière, nous aurions avant tout le style horizontal, au méandre sans plan et sans nombre, étendant à l'infini des villes catacombales dont nulle d'entre nous, si elles étaient à notre taille, ne sortirait vivant. L'architecture des fourmis est multiforme, comme leur corps et leurs mœurs. On pourrait même dire qu'il y a autant d'espèces de fourmilières qu'il y a d'espèces de fourmis, mais toutes se ramènent à 4 ou 5 types principaux. 9 fois sur 10, leur domicile est souterrain et creusé à même le sable ou la terre argileuse que percent des couloirs aux innombrables ramifications. Il compte parfois plus de 20 étages dans sa partie supérieure et pour le moins autant au-dessous du sol. Chaque étage a sa destination propre que détermine surtout la température, les parties les plus hautes étant réservées à l'élevage. Mais il est inutile de s'arrêter à ces détails que tout le monde connaît, car il n'est personne qui n'ait entrouvert ou bouleversé une fourmilière. L'entrée est tantôt soigneusement dissimulée, tantôt franchement apparente ou même ostentatrice, en forme de cratère ou surmontée d'un dôme, qui est d'habitude la partie principale de la fourmilière, comme les tumulus d'aiguilles de pin ou d'autres débris végétaux, qu'édifient notamment nos fourmis rousses, nos pratensis et nos sanguines. Certains dômes à incubation, analogues à nos couveuses artificielles de la formica rufa, si communes dans nos forêts de pins, atteignent 2 mètres de hauteur et ont à leur base 9 ou 10 mètres de diamètre. Constatons que la température à l'intérieur de ces coupoles est toujours de 10 degrés supérieure à celle de l'air ambiant. La distribution, galeries, magasins, greniers, salles communes, chambres d'élevage, auxquelles, chez certaines espèces, s'ajoutent des champignonnières, des étables et des celliers, est très variable et même dans 2 colonies voisines de même race et de même importance, ne suit qu'approximativement un plan général que modifient sans cesse les circonstances. C'est ainsi que dans un nid de Lasius, vous trouverez tous les œufs, soigneusement rangés près du sommet, puis dans une 2e chambre, les larves, classées selon leur taille, et au fond, dans une 3e pièce, les cocons. Au lieu que dans un autre nid d'identique Lasius, tout est entassé pêle-mêle, et semble-t-il au hasard, ce qui montre une fois de plus l'instinct collectif dans la fourmilière, comme l'instinct collectif des cellules de notre corps qui détermine chez nous la santé ou la maladie, est, en certains détails, presque aussi variable que l'intelligence individuelle dont il se rapproche parfois de façon bien curieuse. Notons en passant que ces mêmes Lasius, que nous connaissons tous, orientent les dômes où mûrissent leurs œufs et se forment leurs nymphes, de manière à capter le plus de chaleur possible et les suppriment entièrement parce qu'inutiles dans les contrées subtropicales. Les nids souterrains ont en général une profondeur de 30 à 40 cm. Mais parfois, notamment chez les fourmis moissonneuses, s'enfoncent à plus d'1,50 m dans le sable où s'étendent les greniers, tandis qu'à la surface s'élève un groupe de 7 ou 8 cratères communiquant entre eux pour ne former qu'une colonie qui couvre une superficie de 50 à 100 m². Mais nous retrouverons plus loin ces moissonneuses ainsi que les fourmis champignonistes, fileuses et pastorales. Quant aux colonies nettement polycaliques ou confédérées, telle que la colonie de Formica exsexta que Forel rencontra dans le Jura, elle compte parfois 200 nids, dont chacun renforme de 5 000 à 500 000 habitants, et peuvent occuper une aire circulaire d'un rayon de 200 mètres. De son côté, le révérend McCook, observateur très sérieux et très consciencieux, nous parle d'une ville immense, peuplée de Formica exsectoïdes, qui en Pennsylvanie couvrait une superficie d'une 20aine d'hectares et était formée de 1600 nids, dont plusieurs mesuraient près d'1 mètre de hauteur et 4 mètres de circonférence à la base. Comparant son volume à la taille de l'insecte, McCook calcule qu'il représente 84 fois celui de la Grande Pyramide. C'est vous dire qu'à côté de ces prodigieuses agglomérations mises à l'échelle humaine, Londres et New York ne seraient plus que des villages. Du reste, leur organisation n'est pas encore parfaitement connue. C'est dans ces demeures sans lumière, la fourmi comme l'abeille et le termite aiment l'obscurité, que s'écoule toute la vie des reines et une grande partie de l'existence des ouvrières. Les jours et les nuits, car du moins durant l'été on ne chôme jamais, sont consacrés aux travaux ennuyeux et faciles, du ménage, au nettoyage, à la préparation des aliments, puisqu'il faut transformer en nourriture liquide, en hachis, en pâte ou en bouillie, les légumes, les graines, les fruits, le gibier rapporté. Il y a encore les régurgitations continuelles qui procurent de réciproques et inépuisables délices. L'entretien de la voirie au-dedans et au-dehors, le service très abondant des mères qu'il faut escorter, guider, surveiller, suralimenter, laver, brosser, caresser. Les soins de toute nature prodigués aux œufs léchés sans relâche et avec insistance, afin de les nourrir par endosmose. Aux larves et aux nymphes, qu'il importe de tourner, retourner, constamment déplacer et exposer, selon les heures, aux endroits favorables. Il y a en outre la toilette personnelle et mutuelle, car la fourmi est d'une propreté maniaque, et, avec l'aide de ses compagnes, se peigne, se frictionne, se polit et s'astique 20 fois par jour. Il y a enfin les jeux, luttes amicales, petits combats sportifs et débonnaires, signalés par Hubert, dont les observations qu'on crut d'abord imaginaires furent depuis confirmées par Forel, Stumper et Stager. Je ne résiste pas au plaisir de citer la page qu'il y consacre, afin que vous entendiez une fois de plus la vénérable voix abondante et paisible du père de la myrmécologie. Je m'approchai un jour de leurs fourmilières exposées au soleil et abritées du côté nord. Les fourmis étaient amoncelées en grand nombre et semblaient jouir de la température qu'elles trouvaient à la surface du nid. Aucune d'elles ne travaillait. Cette multitude d'insectes accumulés offrait l'image d'un liquide en ébullition, sur lesquels les yeux avaient d'abord peine à se fixer. Mais quand je m'appliquais à suivre séparément chaque fourmi, je les voyais s'approcher en faisant jouer leurs antennes avec une étonnante rapidité. Leurs pattes antérieures flattaient, par de légers mouvements, les parties latérales de la tête des autres fourmis. Après ces premiers gestes, qui ressemblaient à des caresses, on les voyait s'élever sur leurs jambes de derrière deux à deux, lutter ensemble, se saisir par une mandibule, par une patte ou par une antenne, se relâcher aussitôt pour s'attaquer encore. Elles se cramponnaient au corselet ou à l'abdomen l'une de l'autre, s'embrassaient, se renversaient tour à tour et prenaient leur revanche sans paraître se faire de mal. Elles ne lançaient pas de venin comme dans leur combat et ne retenaient pas leurs adversaires avec cette opiniâtreté que nous avons observée dans leurs querelles sérieuses. Elles abandonnaient bientôt les fourmis qu'elles avaient saisies et tâchaient d'en attraper d'autres. J'en ai vu qui avaient une telle ardeur dans ces exercices qu'elles poursuivaient successivement plusieurs ouvrières, luttaient avec elles pendant quelques instants, et le combat ne finissait que lorsque la moins animée, après avoir renversé son antagoniste, réussissait à s'échapper en se cachant dans quelques galeries. Je retournais souvent auprès de cette fourmilière qui me donnait presque toujours le même spectacle. Quelquefois, cette disposition était générale. Partout, il se formait des groupes de fourmis luttant ensemble, et je n'en vis jamais aucune sortir de là blessée ou mutilée. Et pour finir, bien qu'il paraisse invraisemblable, il y a le repos. Nous croyons en effet que la fourmi, dont l'activité nous semble frénétique, qui s'agite nuit et jour comme une étincelle dans une botte de paille, ignore nécessairement et totalement la fatigue. Elle subit la grande loi de cette terre, elle a besoin parfois de se replier sur elle-même, de rassembler ses forces et d'oublier la vie. Quand, chargée d'un butin 3 ou 4 fois plus lourd qu'elle, après une longue aventure, elle rentre au logis, ses compagnes, qui gardent les portes, s'empressent et d'abord demandent la régurgitation par quoi commence et finit tout événement notable en leur monde. Ensuite, elles essuient la poussière qui la couvre, la brossent, la caressent et l'amènent à une sorte de dortoir réservé loin du tumulte de la foule aux voyageuses exténuées. Elle y sombre bientôt en un sommeil si profond que même l'attaque de la fourmilière, qui met en émoi jusqu'aux infirmes, ne la réveille qu'à demi et qu'au lieu de combattre, elle ne pense qu'à fuir. Des citoyennes du sous-sol, passons rapidement aux fourmis arboricoles. Les unes vivent à l'intérieur des arbres dont, à la façon des termites, elles taraudent, creusent et évident le tronc en ayant soin d'en respecter l'écorce. Elles sculptent leur demeure à même le bois, comme l'avaient fait à même le tuf les habitants des Baux, y superposant de nombreux étages, dont les plafonds, comme le dit Hubert, aussi minces qu'une carte à jouer, sont supportés tantôt par des cloisons verticales qui forment une infinité de cases, tantôt par une multitude de petites colonnes assez légères qui laissent voir entre elles la profondeur d'un étage presque entier, le tout d'un bois noirâtre et enfumé. Quand on dégage un de ces nids, on a l'impression de tenir dans les mains on ne sait quel objet d'art compliqué, baroque, minutieux, hallucinant, dont seuls certains ossements préhistoriques perforés et ciselés par des millions d'années peuvent donner une idée approximative. Le Lasius fuliginosus, ainsi nommé parce qu'il enfume le bois qu'il travaille, forme parfois d'énormes colonies confédérées, dont l'innombrable population occupe 8 ou 10 troncs d'arbres et semble obéir aux mêmes lois, aux mêmes impulsions centrales. D'autres fourmis, sous les tropiques, attachent leur nid, souvent énorme, à l'aisselle des grosses branches, où ces volumineuses excroissances prennent plus ou moins la couleur de l'écorce. Elles sont faites d'une sorte de carton analogue à celui que fabriquent nos guêpes. Notons encore les nids installés soit dans les cavités naturelles, adaptées aux besoins de l'insecte, soit dans les tiges creuses de certaines plantes, où parfois les petites colonies trouvent en même temps, comme dans les contes de fées, le logis et la nourriture. Ensuite, les fourmis à nid nomades, qui vivent pour ainsi dire sous la tente et dans leurs expéditions incessantes, se contentent de n'importe quel domicile provisoire où elles abritent, durant la nuit, leurs larves et leurs nymphes. Enfin, n'oublions pas les nids tissés par les fileuses à navettes qui, dans le monde myrmicéen, et même dans le monde animal tout entier, occupe le sommet de la hiérarchie intellectuelle. Mais nous en reparlerons plus longuement dans le chapitre qui leur sera consacré, car elles méritent mieux qu'une simple mention. Il va sans dire que dans tous ces nids ténébreux et jalousement clos, il est à peu près impossible de faire des observations fructueuses. C'est pourquoi les myrmécologues, comme du reste l'avaient fait avant eux les apiculteurs, ont imaginé divers appareils qui leur permettent de suivre d'heure en heure, sans la troubler sensiblement, la vie familière des fourmis que l'on veut étudier. Swammerdam, dans sa Biblia Naturae, publiée en 1737, décrit le premier nid artificiel dont il soit fait mention. Il déposait simplement les fourmis capturées dans un plat garni de terre ameublie et entouré d'une rigole de cire remplie d'eau. Hubert, qui ne pouvait connaître les poudriers de Réaumur, 50 ans plus tard, agença une petite table dont le dessus était pourvu d'une fente longitudinale, disposa dessous une caisse vitrée, fermée de volets de bois, car les fourmis, comme les abeilles, ne travaillent que dans l'obscurité, et surmonta le tout d'une cloche de verre afin que les insectes puissent édifier leurs étages supérieurs. Depuis, on a fait mieux. Forel, Lubbock, Wassmann, Miss Adelfield, Charles Janet, Wheeler, Sanchi, Brun, Melda, Cutter, perfectionnèrent l'ébauche en l'adaptant au genre de fourmis dont ils s'occupaient. Nous avons tous vu dans les expositions les nids de plâtre de Charles Janet, qui sont très pratiques, mais conviennent surtout aux races de petite taille. Ces nids de plâtre, qui reproduisent aussi fidèlement que possible les dispositions et les méandres d'une fourmilière naturelle, permettent notamment de se rendre compte de l'esprit d'organisation et d'emménagement que déploient nos insectes dans des circonstances tout à fait anormales et imprévues, et surtout de la méticuleuse propreté qu'ils entretiennent dans leur demeure. Par exemple, dans un nid janet, habité par une petite colonie de Solenopsis fugax et composé de 33 chambres, 14 étaient réservées à des nymphes presque mûres. Une renfermait d'un côté des nymphes moins avancées et de petites larves, 7 contenaient des larves de moyenne grandeur, 5 étaient remplis d'énormes larves de Sonenopsis ailées, une chambre était occupée par la reine, 4 demeuraient disponibles et une seule, dans la partie sèche de l'appareil et la plus éloignée de l'entrée, servait de débarras ou de cloaque où les ouvrières venaient déverser les détritus et vider les sacs que les larves expulsent au commencement de la nymphose et où s'accumulent les résidus des aliments reçus depuis leur éclosion. D'autres nids plus importants compte 2 ou 3 cloaques, et les excréments des fourmis étant toujours liquides, la teinte spéciale que prend le plâtre de l'un des réduits révèle clairement sa destination exclusive. C'est ainsi que dans leur prison, sans communication avec le dehors, elles improvisent des installations sanitaires que nos ingénieurs, dans des circonstances aussi difficiles, seraient fort en peine d'améliorer. L'appareil le moins compliqué et le plus commode pour les observations élémentaires est encore celui de Lubbock. Il est formé de 2 verres à vitres de 20 à 30 cm carrés, éloignés l'un de l'autre de 3 à 6 mm, selon l'espèce à étudier, c'est-à-dire juste assez pour permettre aux fourmis de se mouvoir librement. On les réunit par un cadre de bois, on remplit l'intervalle de terre fine légèrement humide et l'on recouvre le tout parce que la vie intime des insectes sociaux aime l'ombre. On peut étager plusieurs de ces nids sur un même support qu'on a soin d'entourer d'eau, ou mieux de plâtre pulvérulent, afin d'empêcher les évasions. Grâce à ces appareils, on a forcé les secrets de la fourmilière, tout au moins la plupart de ses secrets matériels. Quant aux autres, secrets politiques, économiques, psychologiques et moraux, nous sommes encore bien loin de les pénétrer.